Libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine de la santé Libre-Échange. Une nouvelle saison commence et pour ce faire aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau un organisme. On a déjà parlé de la prévention des risques, mais là aujourd'hui c'est un organisme spécifique qui est l'ALSMT. Autrement dit, c'est l'Association Lorraine de Santé en Milieu du Travail. Nous allons pouvoir échanger avec mes invités, en la présence de Madame Lucie Dumas. Docteur Lucie Dumas, bonjour. Bonjour. Donc en fait, vous travaillez au sein, on va voir un petit peu de cet organisme, on va parler un petit peu, quelle est de cette organisation, quelles sont les actions que vous menez, et on va parler bien sûr prévention. Mais aussi, nous avons Madame Élodie Jadot, qui est chargée de l'information, de la communication justement au sein de l'ALSMT. Bonjour Madame Jadot. Bonjour. Vous allez présenter l'association en fait, on va parler un petit peu de l'association, quelle est l'organisation. Mais aussi, on va parler sur le terrain, il y a des actions qui sont menées, notamment avec des ergonomes, et en la présence, là, nous allons pouvoir en parler avec Madame Aline Perny. Bonjour Madame Perny. Bonjour. Alors, présentons un petit peu la LSMT. Donc, je rappelle le site internet sur lequel on peut trouver des informations, beaucoup d'informations, qui est nourri d'informations, c'est www.alsmt.org. Alors, Madame Jadot, qu'est-ce que cet organisme ? Alors, nous sommes un service de santé au travail interentreprise. C'est une association à but non lucratif qui est financée par les employeurs et gérée de manière paritaire par les employeurs et les organisations de salariés. Donc, ça veut dire interentreprise, c'est-à-dire que vous intervenez au sein des entreprises, c'est bien ça, vous faites des expertises et vous intervenez. C'est ça. En fait, chaque employeur a l'obligation par la loi d'avoir une sécurité en matière de résultats par rapport à la protection de la santé de ses salariés et donc doit adhérer à un service de santé au travail interentreprise ou alors s'il a un effectif de plus de 500 salariés, soit d'adhérer à un service comme le nôtre, soit d'avoir un service autonome au sein de son entreprise. De son entreprise. Mais alors, justement, vous dites, c'est très intéressant, toute entreprise. Imaginons qu'une PME, une PMI, une petite entreprise qui a un, deux ou trois employés, est-elle obligée, je pense aux artisans, commerçants, est-elle obligée d'adhérer à votre organisme ou à ce type d'organisme ? Oui, à partir du moment où on a un salarié, on doit adhérer à un service de santé au travail. Alors, quels sont les services que vous proposez, justement ? Alors, on a quatre missions. Nos missions sont exclusivement préventives. On intervient en amont. On doit mener des actions en entreprise, assurer le suivi de l'état de santé, conseiller et également être présent pour la traçabilité et la veille sanitaire. C'est-à-dire que en amont, vous allez faire en termes d'action entreprise, surveillance, c'est-à-dire que vous allez faire des expertises qui sont demandées par l'employeur ou qui sont, imposées par vous, si je peux dire. Alors, en fait, on va sur le terrain, on observe les conditions de travail des salariés dans les entreprises, on repère les situations à risque et ensuite on peut mener des actions de prévention en direction des employeurs et en direction des salariés. Alors, est-ce que l'employeur a obligation, si vous décelez certaines, manquements quelque part, est-ce qu'il a obligation, justement, l'employeur d'intervenir ? Alors, c'est peut-être le médecin à qui je vais m'adresser, Madame Dumas. Comme on l'a rappelé, Elodie l'a dit, l'employeur a une obligation de résultat sur la sécurité, mais nous avons un rôle exclusivement préventif et de conseil. En réalité, on pourrait se définir comme un service de prévention et de conseil pour notamment une grande partie des toutes petites entreprises, puisque c'est 80-85%, je regarde Elodie, mais 85% de nos adhérents, c'est des petites structures. C'est ce qui fait le tissu économique français, en fait. Oui. Du coup, on a de tout. Donc, il y a une grande disparité d'emploi, de type d'emploi et d'activité Pour autant, qu'on soit missionné, soit par au départ l'état de santé qu'on a détecté ou ce qu'on a recueilli comme information lors de l'interrogatoire, lors des visites médicales ou des entretiens infirmiers ou des visites de nos équipes sur le terrain, c'est vrai que ça mène à des conseils, à des missions que vous appelez d'expertise, mais qu'on dirait plutôt des missions expertes, parce que l'expertise a un côté légal qui ne s'applique pas dans notre cas. On a une expertise qu'on met au service des entreprises, mais on est toujours dans un rôle de conseil. Donc, on n'a pas de mission de contrôle. Ça, c'est la mission de la directe, en fait. Oui. Oui, parce que à l'esprit, on pourrait avoir en disant, voilà, aujourd'hui, on a tellement de législations, de contraintes, que tout de suite, on dit, j'ai l'obligation. Non, en fait, il y a une adhésion qui se fait des entreprises au sein de l'ALSMT. Et ensuite, par rapport à ça, donc, vous intervenez sur demande de l'employeur, peut-être ou... Ça peut arriver, il y a beaucoup de questions. On peut être saisi d'un souci de sécurité ou de... On va en parler avec Aline, un souci d'ergonomie. Et d'ailleurs, on aimerait l'être très souvent, c'est-à-dire je souhaite refaire mes locaux, est-ce que vous pouvez venir nous aider en ergonomie primaire? Donc ça, on essaye de le développer, mais souvent, par méconnaissance, ils ne font pas forcément appel à nous, et plutôt ils arrivent quand il y a déjà un problème, et on vient plutôt en ergonomie corrective. Mais les deux sont possibles, on peut être sollicité en direct par l'entreprise, c'est à ce moment-là le médecin qui coordonne l'équipe qui décide ou non de mettre en œuvre l'action qui était demandée. D'abord, savoir si on en a les compétences, si c'est notre champ d'action, et si derrière, on a l'adhésion de l'employeur au projet. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est que pour toutes les actions, de toute façon, de prévention, il faut que l'employeur il ait compris les enjeux et qu'il soit prêt à suivre nos préconisations. Et oui, et justement, il doit avoir certaines résistances. Alors, je rappelle que vous êtes donc le docteur Lucie Dieumain, vous êtes chargé justement d'un petit peu de toutes ces activités au sein de l'ASMT, de coordination, c'est bien ça. Alors, vous êtes médecin du travail ? Moi, je suis médecin du travail, et d'ailleurs, dans le petit pitch de présentation, c'est ça. Je suis médecin du travail, vraiment, qu'on pourrait dire de terrain, comme tous les autres médecins du travail de l'ASMT. On a tous en charge un effectif. Alors, je l'ai dit, moi, j'ai travaillé longtemps à Pont-à-Mousson sur un secteur qui était plus industriel, logistique. Et bien sûr, on a aussi, parce que c'est la géographie, des activités de commerce, d'aide à la personne. Là, sur Nancy, depuis 3 ans maintenant, j'ai effectivement plus en charge une équipe et un effectif qui est centré sur les services, l'aide à la personne, les soins, certaines grandes fonctions publiques, voilà. C'est l'intérêt de notre travail, c'est que ça couvre un champ très large. C'est la difficulté aussi, puisqu'il faut essayer de trouver du sens et de la cohérence aux actions. Mais du coup, pour ce faire, moi, donc, j'ai un effectif en charge, mais je ne suis pas toute seule. Donc, on a dans le service des équipes qu'on appelle pluridisciplinaires. Donc, pour la partie médicale, je suis assistée d'une secrétaire, ce qu'on appellerait une secrétaire médicale, mais qui nous enlèverait. La fonction est plus large, puisqu'elle aide à coordonner l'équipe. Elle aide le médecin à coordonner l'équipe. On a des infirmiers en santé au travail qui mènent des entretiens et des études de poste et des actions sur le terrain, que ce soit en sensibilisation, en formation, en rédaction de fiches d'entreprise, en visite d'entreprise, et puis toute une équipe pluridisciplinaire avec des métiers très techniques et très pointus, donc des assistantes en risque chimique, des toxicologues, des assistantes en risque professionnel qui vont nous aider à faire les mesures, par exemple des mesures de bruit, des mesures de vibration, des mesures de lumière. Je ne suis pas exhaustive dans l'émission. Des ergonomes, on l'a dit, évidemment, des psychologues du travail, des ingénieurs sécurité. Je cherche, si j'oublie, des ingénieurs chimistes, voilà, qui complètent l'équipe de toxicologie. Oui, c'est donc on est nombreux. Peut-être au niveau atomique aussi, parce que dans la région, nous avons, des centrales nucléaires. Est-ce qu'au niveau nucléaire, effectivement, c'est peut-être spécifique ? On parle d'EDF et des centrales, ils ont leur propre service autonome. D'accord. Donc, et des médecins et des infirmiers qui sont chargés de la surveillance des salariés de ces sites. Oui, et en plus, c'est quand même assez spécifique, voilà, bien c'est que encore l'ergonomie une... est assez générale, vais-je dire. Alors, mais vrai que le risque, la radioprotection, on peut être amené à y toucher parce qu'on a du personnel de soins, Et donc, il y a aussi ce risque-là à gérer, mais c'est plus éparse. Et chaque médecin dans son équipe et dans son effectif a en charge une partie de radioprotection, une partie de bruit, une partie... Enfin, c'est très varié en réalité. Et est-ce que vous atterrez, puisqu'on parle du monde de la santé également, est-ce que... Il y a des adhérents du monde de la santé tels que des cabinets privés de radiologie. Et là, vous intervenez aussi donc, dans ce domaine-là. Alors, si on doit situer justement l'ALSMT par rapport à la médecine du travail, comme on entend ordinairement, si je puis dire, dont on se fait, quelle est la différence entre, peut-être Madame Jalot, la médecine du travail, quand on dit médecine du travail, je vois, je veux dire, qui est plus public. Là, c'est un organisme privé. Comment on devrait se situer ? En fait, précédemment, on appelait médecine du travail. C'est ça. La réforme de 2011 fait qu'on est passé à la santé au travail. Voilà. Et donc, cet organisme est sous forme d'association, à but non lucratif, donc public. Non, on a un statut associatif. Associatif. Et on est agréé par la directe. D'accord. Donc, à la différence d'auparavant, c'était un organisme public non plus. Non. D'accord. Ça a toujours eu un statut associatif. Associatif, cette formule-là. Et privé. D'accord. Et privé. De droit privé. Très bien. Alors, justement, pour adhérer, pour les entreprises qui écoutent là en ce moment l'émission, ils disent, tiens, je ne suis pas au courant. Peut-être que ça arrive, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, on dit, nul n'est censé ne pas connaître ses droits, mais une entreprise qui emploie une personne, est-ce qu'elle a l'obligation, comme vous disiez, d'adhérer, je veux dire, à un organisme de prévention qui existe sur tout le territoire, Libre-Échange étant une émission qui est rediffusée par d'autres stations ici en France, donc dans chaque région, chaque département, il y a un découpage qui se fait de prévention sur la santé. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire ? C'est la personne qui doit se manifester auprès de vous, ou est-ce que, je veux dire, à partir du moment qu'elle a un employé, on contacte, on dit, voilà, il faut que... Comment ça se passe ? C'est l'employeur qui prend contact avec le service de santé au travail dont il dépend, en fait. Alors, chez nous, donc en Meurthe-et-Moselle, on a la compétence pour tout le département, pour tous les secteurs d'activité, hormis le BTP, et hormis le secteur agricole qui est géré par la MSA. Donc il suffit que l'employeur se connecte sur notre site internet, donc www.alsmt.org, et ensuite aille dans la rubrique « Je veux adhérer ». Et là, il a tous les éléments nécessaires. Il peut télécharger les documents à remplir ou prendre contact avec nos équipes s'il a besoin d'informations complémentaires. Complémentaires et nécessaires. Alors comment ça se passe l'adhésion ? Donc il y a une participation financière annuelle. Comment ça se passe ? Oui, une cotisation qui est fixée par notre conseil d'administration, qui est aux alentours de 75 € pour une surveillance simple et 95 € de mémoire pour une surveillance individuelle renforcée. Parce qu'en fonction des risques auxquels le salarié est exposé, le suivi est différent. Mais est-ce que ça dépend aussi du nombre de salariés ? Parce qu'une entreprise qui a, je veux dire, un salarié, cinq salariés, 15 ou et plus, est-ce que cette cotisation, elle dépend aussi du nombre de salariés ? Non, alors pas chez nous. Chaque service fixe lui-même sa cotisation. Chez nous, c'est per capita. Donc un salarié égale une cotisation, deux salariés, c'est la cotisation fois deux. D'accord. D'accord. Et alors, justement, pour revenir un petit peu sur le côté, je vais dire, employeur. L'employeur a obligation. Est-ce qu'il arrive parfois que l'employeur, justement, n'est pas au courant, mal informé, et que, justement, risque d'accident de travail, risque derrière, est-ce que ça arrive, justement, qu'il y ait ce manque d'adhésion, de cotisation et d'adhésion ? Alors oui, je pense que ça peut arriver, mais dans ce cas-là, c'est l'employeur qui risque un gros problème. Si une maladie professionnelle pour son salarié ou un accident. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il risque ? Parce que là, ça risque peut-être, docteur, derrière, parce qu'il y a de gros risques pour l'employeur. C'est important de le situer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas censées savoir. Oui, alors c'est vrai que c'est une obligation importante. Ça fait partie, quand on disait droit de l'employeur, et droit des salariés, droit devoir de l'employeur. C'est à lui de mettre en place la politique sécurité dans son entreprise, qu'il ait 100 salariés ou 1. Donc ça, c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, c'est pas si simple. Donc c'est pour ça qu'on essaie de communiquer sur notre rôle, sur savoir qu'on, même pour un salarié, on peut se déplacer de nous. Pour autant, qu'est-ce qu'il risque ? Il risque surtout d'être contrôlé par la directe. Et d'avoir au départ un avertissement, j'imagine des sanctions qui peuvent être financières ou juridiques, mais non, je ne suis pas la spécialiste des sanctions, moi. Oui, oui, bien sûr. Non, mais... je suis plutôt alors, moi, je me mets dans l'accompagnement. Voilà, c'est ça. C'est pour cette raison. Bah, le but de l'émission, c'est de passer l'information. Et moi, je connaissant beaucoup d'employeurs aussi, ils ont cette crainte-là en disant « Oh là là, dès qu'on parle médecine du travail, pour eux, je veux dire, c'est le diable, c'est quelque part quelque chose. » C'est parce qu'ils nous confondent. Il y a souvent une confusion des rôles entre l'inspection du travail et la médecine et la santé au travail. Donc, effectivement, et d'autant plus que l'entreprise est petite. Plus elle est petite, plus elle nous... La confusion est importante. C'est en partie de notre fait, hein, parce que je pense que pendant des années, ils ne nous connaissaient pas bien. Donc, non pas qu'on n'ait jamais eu des missions de contrôle, hein, ça n'a jamais été dans dans nos missions, mais pour autant, comme ils nous voient peu, hein, faut quand même être clair, Élodie, elle a plus les chiffres en tête que moi, mais on a en charge 140 000 salariés et à peu près 9 000 adhérents. 12 500 adhérents. Donc, faut imaginer, toute taille confondue, même avec des équipes déployées sur tout le département, il y a des entreprises qui ne vont pas nous voir tous les ans, c'est sûr. Et du coup, au fil du temps, quand ils nous voient arriver, ils se demandent un peu pourquoi on est là. Donc il y a un temps d'explication et d'échange qui est très important, notamment dans les petites structures qui n'ont pas de personnel dédié à ça. Hein, dès qu'on a une taille critique d'entreprise, au-delà de, je dis, à peu près 50, il y a quelqu'un qui s'occupe des salariés, il y a un service RH ou quelqu'un dont c'est la fonction, quelqu'un qui s'occupe de la sécurité et de la prévention, et un semblant de structuration, en tout cas, de prévention des risques. En dessous de cette taille, ce qui est quand même notre public prioritaire, eh ben, c'est à nous de faire l'effort pédagogique, d'expliquer pourquoi on est là, pourquoi on peut leur rendre service, et surtout qu'au-delà de l'adhésion dont vous avez parlé, ce n'est pas la visite médicale qu'ils payent, c'est une adhésion à un service beaucoup plus complet dont ils peuvent bénéficier sans surcoût. C'est une adhésion qui... sorte de mutualisation des moyens. Des moyens, c'est ça. Mais derrière, après, lorsqu'il y a des interventions, est-ce que ces interventions de prévention... Je veux dire, bon, la prévention, c'est une chose, mais je veux dire, d'expertise sur le terrain, est-ce qu'il y a un coût qui est demandé? Non, ça fait partie. Un package, je veux dire. Voilà. C'est bien ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant qu'ils s'en saisissent. Parce que souvent... C'est un outil, c'est un moyen, justement. En fait, c'est un moyen. C'est comme s'il réglait... on est leur service conseil de proximité. On a déjà une grande part de compétences. Et après, bon, si on ne l'a pas, on sait aiguiller les gens sur qui pourrait l'avoir. Oui. Donc, en réalité, ceux qui l'ont compris souvent reviennent vers nous. Hein. Une fois qu'ils nous ont bien identifiés et qu'on peut rendre des services ou rendre pérennes des actions de prévention, on est de nouveau sollicité. Donc voilà, c'est vrai que s'ils peuvent entendre que au-delà la visite médicale, on va dire que ça a son sens, hein, et on va en parler, j'imagine, du suivi individuel. Bien sûr. Auquel ben, forcément, moi, je tiens. Mais ça n'est qu'une partie de l'activité du service de santé au travail. Alors, dans les activités, justement, il y a des actions qui sont menées sur le terrain, notamment par les ergonomes. Justement, Madame Perny, Aline, donc vous avez un master, justement, en psychologie du travail en ergonomie. C'est ça. Vous travaillez donc sur tout le département. Vous participez aussi avec le médecin, donc justement, avec le docteur Dumas, sur... vous avez des actions sur le terrain pour mener des études sur des postes, des préconisations après un deuxième temps pour l'aménagement des postes. C'est très important parce qu'aujourd'hui, bien, beaucoup de personnes, encore malheureusement, sont soit en arrêt maladie. On voit par exemple, on parlait de milieu des EHPAD parce que, eh bien, manque, je veux dire, de formation, notamment l'utilisation du matériel ou d'adaptation des locaux. Justement, quels sont un petit peu je veux dire, votre rôle, quel est votre rôle et quelles sont justement vos actions menées sur le terrain et les difficultés éventuelles que vous rencontrez? Alors nous, en tant qu'ergonome, on va intervenir à la demande du médecin du travail, donc suite à une problématique relevée en visite médicale. Donc un salarié qui aurait un problème de santé, qui nécessiterait... Exemple, le salarié se présente, il dit voilà, moi j'ai problème de dos, voilà. Exemple. Ou l'épaule, voilà, il y a un problème médical qui est soulevé. Docteur Dumas dit, ben voilà, il y a un problème dans l'entreprise, il faut faire intervenir, donc un travail qui est fait. Voilà, voilà donc c'est ça. Après, donc le médecin du travail nous contacte, oui. On échange vraiment sur la situation, qu'est-ce qui pourrait être, voilà... mis en place, enfin voilà, par rapport à l'entreprise. Oui. Ensuite, le médecin du travail contacte l'employeur pour savoir en fait si l'employeur est d'accord pour qu'on intervienne par rapport à cette situation-là. Et si l'employeur dit non ? Ah bah, imaginons. Alors là, parce que j'imagine que la majorité dit oui, mais ça doit arriver justement par ses réticences, peut-être, docteur Dumas. Ben, ça peut arriver qu'ils disent non au départ. Oui, mais après, en lui expliquant, après les l'idée, intérêts... Ben, en fait, c'est le rôle du médecin. Oui. C'est quand même de faire entrer la prévention dans l'entreprise. Donc, je ne vous dis pas que ça marche du premier coup. Hein. Souvent, oui. Il faut... moi, j'aime bien aller me présenter, mais parce que, du coup, quand ils nous connaissent, déjà, ça donne une proximité et ils ont moins peur. Quand on explique réellement la démarche, que l'idée, c'est... bien sûr, de régler ou d'améliorer un problème existant, mais que ça peut certainement aussi prévenir pour les autres qui vont être soumis aux mêmes risques, oui. Prévenir des effets pour les autres salariés. Bon, ben ça, c'est le rôle du médecin et puis même de tous les préventeurs. On essaie de présenter l'intérêt des choses à court terme, à moyen terme, à long terme. Et puis finalement, de déclencher l'adhésion au projet et surtout le suivi des préconisations. Donc ça peut arriver que ça mette un peu de temps. Et c'est vrai qu'on n'envoie pas une équipe sur place si on sait que derrière, l'employeur, il va retirer le rapport. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Ça, on perd du temps et on crée un faux espoir. C'est-à-dire que c'est des fois plus délétère, en fait. Oui, par rapport justement aux employés. Bah oui. Oui. Le salarié qui est en attente, qui voit qu'on se déplace et puis derrière, rien... C'est des fois pire que de prendre son temps, même si ça peut être un peu long, d'y revenir, d'argumenter en fait notre rôle en santé travail, le médecin en coordonnant, c'est de dire bah, d'accord, ça c'est pour cette personne, mais sachez que le secteur, voilà les stats, sachez que les autres salariés, ils n'ont pas encore ça, mais il y a des signes, etc., etc. C'est notre rôle, c'est de convaincre. Hein. De convaincre. Alors revenons un petit peu, Aline, sur cette activité d'ergonome. Derrière. Donc, une fois que l'employeur est d'accord, oui. Pour qu'on se rende dans son entreprise, hein, parce qu'on va aller dans son entreprise. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller sur le terrain. On passe vraiment un temps important dans les entreprises. Et là, on va rencontrer l'employeur, le salarié. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est faire une petite réunion avec le médecin du travail. Et nous. Comme ça, il y a tous les acteurs autour de la table pour discuter voilà, de la situation et en quoi va consister notre action. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va proposer? Comment ça va se passer? Parce qu'en général, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas forcément... qu'est-ce que c'est le travail d'un ergonome, ou je peux parler d'un ergonome, d'un psychologue du travail, d'un toxicologue ou d'un ingénieur hygiène sécurité. C'est toutes les compétences, on travaille à peu près de la même façon. Donc transversal aussi. Voilà, c'est qu'on va présenter un peu notre démarche, notre méthode, et puis le temps que ça va prendre, combien de fois on va vivre. Et il y a souvent aussi la confusion entre ergonome et ergothérapeute en disant, bah, vous souvent, arrivez... Souvent, c'est ça, on entend, il y a l'ergothérapeute qui est là. Donc là, on essaye de recadrer en expliquant deux pendants et que ce n'est pas le même métier. Et voilà, la première action, c'est vraiment d'expliquer pour qu'ils nous connaissent. C'est toujours ça. Alors justement, sur le terrain, quelles sont les grandes problématiques, si je peux dire, en général, qui créent ces malaises, ces problèmes d'accidents de travail ou autres, je veux dire, pathologies? Alors là, si on reprend le cas, par exemple, pour une salariée qui serait vue par un médecin, un problème d'épaule, c'est vrai que tout de suite, on va aller observer son travail. Donc nous, notre première, la première boîte à outils, entre guillemets, c'est qu'on va aller observer la salariée en situation de travail. Donc voilà, ça peut être n'importe quel type de poste. Hein. Ça peut être un carrossier, ça peut être un bijoutier, un boulanger, une aide-soignante, peu importe. On va essayer vraiment d'aller sur le terrain pour l'observer. Alors on dit que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Est-ce que c'est vrai? Alors, mal de dos, problème d'épaule, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les tendinites. Enfin, après, ça sera plutôt le médecin qui pourra détailler, mais c'est vrai que tout ce qui est tendinite, c'est vrai que ça, c'est un gros problème. Tout ce qui est membre supérieur, dos, oui, c'est les éléments qu'on voit le plus souvent. Tout va dépendre, je veux dire, de l'activité à laquelle on va pratiquer. Aux contraintes du poste. C'est surtout ça. Ouais. Selon la catégorie professionnelle, si c'est quelqu'un qui travaille en crèche, on sait que la personne, voilà, elle va avoir des problèmes de dos. On le sait, il y a des études qui l'ont montré, et toutes nos interventions en crèche, on se rend compte, voilà, que c'est un problème de dos. Si vous faites une intervention, je dis n'importe quoi par rapport à... Non, c'est pas n'importe quoi. Non, mais j'essaye de trouver un autre par exemple, poste. Par rapport à un bijoutier, le bijoutier, ça va être plutôt sur des gestes précis. Oui, parce que donc lui, les doigts. Voilà, ça va être les doigts, le poignet, donc on va être plutôt sur des syndromes tendineux. Tendineux, oui, voilà. C'est ça, le câlin carpien, entre autres, c'est par ça. Exemple. Voilà, aussi. C'est ça. Ouais. Et travailler à la chaîne, parce qu'on voit, on a des usines de... Ici, en Lorraine, fabrication d'automobiles notamment, on rencontrera aussi des... Et là, ça va être un peu divers, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des problèmes de dos, à la fois des problèmes d'épaule, problèmes de coude, enfin voilà, ça va être... Alors, pour venir à votre activité, donc vous faites l'expertise, ensuite, par rapport à ça, est-ce que vous faites les préconisations aussi sur le terrain? Comment ça se passe? Alors oui, donc nous, suite à cette partie observation, où on aura identifié en fait les facteurs qui ont provoqué des problèmes de dos, d'épaule ou de coude, on va faire notre diagnostic. Ce diagnostic-là, il va être présenté aux salariés et à l'employeur. Et s'il y a aux membres du CHSCT. Donc, membres du CHSCT, hein, c'est le comité d'hygiène et de sécurité pour les conditions de travail. Donc, c'est dans les entreprises de plus de 50 salariés. C'est vraiment une instance qui parle de la santé et sécurité au travail. Donc, on va partager ce diagnostic avec tous ces acteurs pour qu'il soit, entre guillemets, validé. Parce que nous, on vient une journée, on vient deux journées. Mais ceux qui connaissent le mieux leur travail, c'est quand même les salariés, c'est l'employeur, c'est voilà, les collègues. Et le but, c'est de valider ce qu'on a vu. Et suite à cette validation-là, c'est d'échanger sur nous ce qu'on peut proposer. On va faire des propositions. Et c'est vraiment l'entreprise qui va les valider en disant oui, ça, on a déjà réfléchi. On n'a pas pu le mettre en place il y a 5 ans. Mais là, on va essayer vraiment de s'y mettre. On va essayer de trouver du matériel adapté. Donc tout de suite, on va mettre en place ce qu'on appelle la recherche de préconisation par rapport à cette réunion-là, où des actions vont être validées dans l'idée. Nous, après, on va aider sur la recherche de matériel, aider sur un réaménagement, par exemple, dans un atelier, ça peut être ça. Parce qu'on s'est rendu compte que il y avait des aides à la manutention, mais que les aides à la manutention, elles pouvaient pas être utilisées, parce qu'il n'y avait pas assez de place, il y avait un encombrement, etc. Donc on va essayer de travailler en amont pour savoir pourquoi c'est encombré. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas utiliser le matériel qui est mis en place. Parce que exemple, ça aussi... dans les EHPAD, il y a beaucoup, moi j'en rencontrais en intervenant notamment avec les formations PRAP, qu'il y avait du matériel, les gens ne savaient pas s'en servir, manque de formation, manque de disposition. Par rapport à la chambre, les locaux, si on parle d'un EHPAD, la chambre, elle a été construite pour un lit par exemple, et on se rend compte que au bout de 10 ans, la chambre, il y a 2 lits dedans. Donc forcément... Vous ne pouvez pas forcément passer le lève-malade. Préconisation, l'importance peut-être d'avoir justement le chef d'entreprise, le médecin du travail, d'avoir tout le monde d'impliquer peut-être sur ces projets. C'est ça. Parce que souvent, il y a le chef d'entreprise, lui, il a la tête, comme on dit, dans le guidon, l'employé sur le terrain. Mm-hmm. Des fois, je veux dire, il y a un manque de communication, il y a un manque de relationnel, d'appréciation aussi du chef d'entreprise par rapport au poste de travail. C'est pour ça que ce diagnostic partagé, qui se fait donc toute l'équipe pluridisciplinaire, donc médecin du travail, ergonome ou médecin du travail, assistante technique, ou voilà, je peux citer plusieurs cas de figure, c'est qu'on va restituer ce diagnostic-là. Et souvent, quand je vous dis qu'on fait des observations, c'est qu'on fait des photos, on fait des vidéos et on les montre. En fait, on met en lumière aussi les postures vraiment contraignantes, le fait de porter, on va essayer de quantifier aussi la charge, le tonnage. Des fois, on se rend pas compte, l'employeur ou le salarié dit « je porte 10 cartons par jour, c'est pas trop ». Sauf qu'en essayant de décortiquer, on se rend compte que le carton, il est porté 20 fois. Parce que y a tout un tas de phases, etc. Et qu'à la fin, ça fait 3 tonnes par jour, vous voyez. Donc c'est ça aussi notre travail, c'est de rendre les choses objectives et de les montrer. Donc par des vidéos, par des chiffres. par des choses vraiment factuelles. Factuelles. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, on arrive déjà à la première partie, la fin de la première partie de notre émission, c'est qu'on se fasse une courte pause musicale et on revient justement pour parler un petit peu des risques que l'on rencontre. Et ça va se faire juste après ceci. Chers auditrices, chers auditeurs, on est de retour sur le plateau de notre émission Libre-Échange. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'association Lorraine de santé en milieu du travail qui est sur le secteur de Nancy. Mais c'est un organisme qui est un peu partout en France et lequel l'employeur a certaines obligations comme on a vu au départ. Mais justement, si vous voulez poser des questions, il y a un site internet sur lequel on peut retrouver les informations. C'est justement Madame Jadot va vous nous rappeler, c'est... Alors l'adresse c'est www.alsmt.org. .org, c'est bien ça. Donc, on va rappeler un petit peu très rapidement, justement, hein, la SLMNT, l'intérêt de l'association, hein, très rapidement. Donc, nous sommes un organisme préventeur. On intervient pour essayer de limiter les risques au travail pour les salariés. Voilà, on a toute une équipe pluridisciplinaire qui est dédiée pour ça. Alors, justement, le problème que l'on rencontre, là, le docteur Dumas va nous en parler. Quelles sont les grandes pathologies qu'on rencontre sur le terrain aujourd'hui? Alors, si on reste dans le champ très général, ce qui est dans l'air du temps, c'est une petite aparté sur les facteurs psychosociaux, parce que c'est quand même... ça touche tous les secteurs et donc du coup on peut pas faire l'impasse sur tout ce qui va être dans le grand public, ce qu'on va appeler burn-out, dépression, stress, anxiété, voilà, anxiété au travail. C'est des facteurs qui vont jouer ensuite de toute façon un rôle dans ce qu'on ébauchait au départ, plus sur les risques sur la santé liés à l'activité physique. Oui. Voilà. Donc, du coup, sur ce champ-là, sur ce qui est des risques liés aux postures, aux manutentions, on va avoir 80%, peut-être un peu plus même, des maladies professionnelles reconnues sont dans ce champ. C'est la première cause de maladies professionnelles. Donc, du coup, c'est là qu'on retrouve, je ne sais pas si les tableaux, ça intéresse les gens, mais enfin, il y a des tableaux de maladies professionnelles. Hein. C'est le système de réparation des maladies professionnelles. Il y a le tableau 57, qui est le premier tableau qui sort hein, en termes de reconnaissance aux maladies professionnelles. C'est donc toutes les pathologies qui vont être liées aux atteintes de l'épaule. Épaule, et donc on parle de tendinite, la poivre des rotateurs notamment. Toutes les pathologies du poignet, donc canal carpien, tendinite de Kervin, toute la pathologie de la pince en fait et des gestes fins. Et puis du coude, du genou, ça c'est les choses du 57. Le tableau 98 où là c'est les affections du rachis. Donc tout ce qui va être affection chronique du rachis lié aux manutentions de charges lourdes. D'autres tableaux qui sont un peu moins connus, mais qui vont concerner les lésions méniscales, donc du genou, les lésions du rachis liées aux vibrations transmises au corps entier. Et puis, j'en oublie un qui doit être lié aux vibrations transmises au poignet et aux membres supérieurs. Je l'ai noté quand même, je me suis fait des fiches. Hein. C'est le tableau 69. Voilà. Et donc, l'ensemble de ces maladies, c'est ce qu'on va appeler les troubles musculosquelettiques. TMS. Voilà, les TMS. Oui, maintenant, tout le monde les connaît sous le nom de TMS. Alors, justement, vous qui êtes, je veux dire, depuis quand même un certain temps en entreprise, qui voyez un petit peu l'évolution des maladies, et quelles ont été les évolutions? Est-ce que, justement, par exemple, aujourd'hui, le numérique a évolué, on voit de plus en plus de matériel, d'outils numérisés, l'informatique. Est-ce qu'il y a une évolution, justement, au niveau de ces pathologies? Eh bien, on pourrait se dire que peut-être le travail est moins lourd, peut-être que le travail est moins intense. Ben, c'est en réalité pas ça qu'on observe sur le terrain. C'est vrai que les nouvelles technologies, elles ont envahi plein de domaines. Évidemment, les travails tertiaires, hein, ça c'est sûr. Mais même en production, en logistique, quasiment tous les employés ont un scanner qui induit une nouvelle gestuelle, de nouvelles façons de travailler, des facteurs cognitifs nouveaux aussi. Hein, puisque travailler avec une oreillette toute la journée ou débugger en parlant à un casque et en scannant des références, ça crée une gestuelle. Donc en fait, on en revient toujours à l'analyse de l'activité en réalité. Ouais. Pour mieux appréhender un changement de travail, ben, il faut aller le voir sur le terrain. Alors nous, mais bien sûr toute l'équipe. Donc ce qui a pu changer, c'est... Ça n'a pas beaucoup changé dans le sens où les maladies professionnelles ne baissent pas. Il y a un léger infléchissement du tableau 57 parce que les pathologies de l'épaule, le tableau, il a été modifié en 2011. Donc il y a des pathologies qui étaient reconnues qui ne le sont plus, mais c'est un effet de tableau. C'est-à-dire c'est un effet... Oui, de chiffres, d'éléments, de données, de tableaux. De pathologies qui ne rentrent plus dans le tableau. Qui ne rentrent plus dans le tableau, parce que les tableaux de maladies professionnelles, ce n'est donc pas un système de prévention, hein, c'est un système de réparation une fois que la maladie est là. Oui. Donc nous, on essaye toujours d'être en amont de ce tableau. Hein. C'est ça. Si en fait, c'est un constat des TMS qui ont été... C'est ça. Et c'est le nombre d'accidents de travail, le nombre de jours arrêtés, voilà, dans les détails. Donc là, du coup... ces pathologies ne sont pas en baisse. Donc c'est toujours une action prioritaire de nos plans, projets de service. C'est toujours des choses très courantes sur le terrain. Et là, je vous dis que ce soit dans l'aide à la personne, ça monte, c'est des problématiques qu'on a énormément, hein, les pathologies d'épaule, de dos, avec tout ce que ça pose en termes, bien sûr, de pathologies, mais surtout en termes de maintien dans l'emploi, puisque c'est notre grande mission, c'est le maintien dans l'emploi. Alors justement, par rapport au maintien à l'emploi, vous dites, il y a certaines personnes, à cause, je veux dire, de maladies reconnues professionnelles, je pense, il y a beaucoup de maladies. On pense par exemple à l'amiante qui a été reconnue au bout d'un certain temps quand même. Il a fallu un moment, hein, ouais. Il faut le dire, parce que c'était quand même un scandale quelque part. Bon, c'est pas le but de l'émission aujourd'hui, mais... On peut parler aussi de reconversion, parce que des personnes qui ne peuvent plus être sur le poste. Comment ça se passe, justement, à ce niveau-là ? Alors, si... c'est qu'on en arrive au bout du processus. Au bout du processus, ouais. Imaginons une pathologie qu'on voit en visite médicale. Quelqu'un qui travaille depuis 10, 15 ans, on peut dire dans un EHPAD, mais ça pourrait être dans un tout autre milieu. Bien sûr, milieu oui. La première chose, c'est qu'il va y avoir peut-être des arrêts. En tout cas, elle peut... Pour une raison ou une autre, elle va venir dans notre bureau. À l'examen, on va trouver de la pathologie, on va demander elle va être suivie, etc. On va peut-être lancer une étude, améliorer les choses, on va gagner du temps. Mais peut-être qu'au final, soit l'intervention ne sera pas suffisante, soit la pathologie, c'est le problème des TMS, c'est qu'au départ, c'est de la douleur. Hein, c'est de la douleur et de la gêne fonctionnelle, quelle que soit la partie du corps qui est touchée. Mais si on n'agit pas assez vite, ou si les sollicitations sont toujours importantes, toujours excessives, toujours contraintes, on risque de se trouver dans une situation où la personne ne peut plus tenir son poste. C'est là où on va parler aménagement de poste, d'abord avec les ergonomes, avec l'employeur, parce que l'aménagement de poste, ça peut être l'aménagement horaire, ça peut être l'aménagement de cadence. On peut tout discuter en termes d'aménagement de poste, mais quand on arrive au bout des choses, souvent, on a déjà mis en œuvre, on a accompagné le salarié, on a pu faire peut-être jouer une reconnaissance travailleur handicapé. Donc ça, vous savez, c'est un formulaire et un dossier qu'on monte auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça, on l'utilise finalement comme un levier d'action. À la fois, c'est une reconnaissance que l'état de santé crée un handicap sur la capacité de travail et sur la capacité à maintenir son emploi. Donc, c'est donc une commission tierce de la MDPH indépendante qui, sur dossier, statue sur ce statut. Ça évite aussi de donner trop d'éléments médicaux à un employeur. Nous, on n'en transmet jamais. On parle en termes de capacité physique, de capacité de travail, de gestes qui seraient à éviter, de choses à améliorer, mais on ne donne pas de diagnostic, ce n'est pas notre rôle. Le salarié peut donner des éléments, mais le médecin, il est tenu au strict secret médical. Secret médical, bien sûr. Et donc, on parle en termes d'aptitude pour ce qui était pour certains postes, et puis sinon vraiment de capacité. Et donc, du coup, ce statut-là permet de soit financer des aides aussi à l'aménagement de poste, parce que ça peut être un moyen de convaincre aussi l'employeur qui, de toute façon, aura un reste à charge, mais peut se lancer dans l'action s'il est soutenu. Donc, on peut faire venir des ergonomes de notre service, mais aussi pour certains types de handicap et en fonction du degré de l'action, on peut faire venir des intervenants qui sont financés alors par l'AGFIP dans certains secteurs pour ensuite proposer des aides financières, etc. Pour ça, c'est quand on est dans le maintien dans l'emploi dans l'entreprise. Et si on sort de ce champ-là, l'accompagnement par les services de maintien dans l'emploi, chez nous, c'est sur le département, c'est la SAMET. Je dis là, mais c'est le SAMET, le service d'aide au maintien des travailleurs handicapés, avec qui on travaille très rapidement en partenariat. C'est-à-dire que quand on fait une reconnaissance travailleur handicapé pour quelqu'un dont on sent que le maintien va être compliqué, souvent, on le signale aussi en même temps au service du SAMET pour qu'il y ait déjà une rencontre et puis qu'on puisse s'expliquer longuement, parce que le médecin le fait, mais c'est bien quand c'est repris et puis avec des gens qui ont la compétence de ce champ-là, ce que ça peut leur apporter, parce qu'il y a beaucoup de réticences à se déclarer comme travailleur handicapé, d'abord parce que c'est pas très facile à accepter comme casquette, bien sûr. Les personnes elles se réduisent pas à ça, mais elles ont l'impression que ça va leur c'est stigmatisant pour certains. Absolument. Et alors que nous, souvent, nous, on en fait un outil, mais là encore, il faut acquérir la confiance du salarié, de l'employeur. On fait le signalement SAMET, et puis c'est là où on peut parler bilan de compétences, formation et reconversion professionnelle. Voilà. Alors, est-ce que l'entreprise, justement, dans ce cadre-là, elle a l'obligation, je veux dire, elle ne peut pas maintenir la personne dans l'entreprise, elle ne peut pas proposer un poste, comment ça se passe ? Est-ce que l'entreprise est quand même tenue, malgré tout, à garder l'employé ? Alors, en réalité, c'est là où on part dans un versant qui est... On est toujours sur le champ du maintien dans l'emploi, mais ça peut nous arriver, le médecin du travail peut être amené à déclarer une inaptitude un poste de travail pour un salarié dans un... Et là, l'aptitude, elle prend en compte, l'inaptitude, elle prend en compte l'état de santé du salarié, les conditions de travail réelles et le maintien au poste. Donc, si on déclare quelqu'un inapte, l'employeur, effectivement, il a l'obligation... La loi a été très, entre guillemets, remodelée par la loi El Khomri, là, en janvier 2017. Donc, il a une obligation de reclassement, mais il doit faire une proposition. Pas au-delà. Il peut en faire plus, bien sûr, hein. Je veux dire, oui. Ça, c'est un minimal, mais on n'est jamais... on peut chercher plus, on peut être au-delà des attendus de la loi. Mais c'est, il propose un poste de reclassement qui doit être le plus semblable en termes de sens, de rémunération, de temps de travail. Mais évidemment, vous l'avez pointé, hein, dans les toutes petites structures, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc souvent, ça se termine par un licenciement pour inaptitude médicale. Oui. Et dans ce cas-là, est-ce que le salarié peut avoir un soutien pour, dans le cadre d'une reconversion ? Par exemple, je pense à de la formation, à des choses comme ça. Est-ce qu'il peut avoir un soutien ? Est-ce qu'il peut avoir des financements ? Alors, les financements, en théorie... Oui, c'est une histoire de moyens. Oui, oui. C'est pour ça qu'on essaye de travailler en amont et que quant au terme de toute l'action qu'a pu mettre en œuvre le service de santé au travail ou d'autres partenaires, hein, parce que la sécurité sociale a aussi une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, tout ça c'est un réseau de compétences qui essaie de trouver, de détecter les salariés qui seraient à risque de désinsertion professionnelle et de mettre en œuvre le plus rapidement possible, quid de l'assistante sociale, quid de l'ergonomie sur le terrain, quid de dossiers RQTH. Tout ça, c'est des éléments qui vont accompagner le salarié pour qu'effectivement, une fois qu'il sort du champ de l'entreprise, eh ben, il soit déjà pris en charge par le réseau, par la SAMET, ou par le SAMET. Et ensuite par Cap Emploi pour l'aider dans une recherche d'un travail ou d'un emploi qui soit adapté à ses capacités, soit aidé d'un bilan de compétences et d'une formation. Mais évidemment, c'est pas un parcours passif, quoi. Passif, c'est quand même tout ça, c'est des outils, mais il faut créer son parcours, c'est vrai. Et pour l'entreprise, parce que bien souvent, il y a des réticences de l'entreprise pour faire des réaménagements de poste. Peut-être que ça, Madame Perny, vous avez peut-être pu le rencontrer sur le terrain. C'est-à-dire qu'en tant qu'ergonome, faire des préconisations, ça a un coût. Est-ce qu'il y a des réticences ? Comment ça se passe ? Parce que l'entreprise, voit avant tout, c'est ce qui reste au bout du compte, les bénéfices, mais les investissements, ils n'aiment pas trop, si je peux dire. Alors, c'est là aussi notre rôle, c'est d'expliquer en fait que la prévention et la mise en place d'actions de prévention, ça va avoir un impact positif. Donc certes, ça va avoir un coût dans l'entreprise, mais les bénéfices vont être quand même importants. Il y a des études qui ont été faites par l'INRS entre investir 1 euro en prévention, ça vous rapporte, je ne sais plus de mémoire, mais ça a un gain énorme en termes de baisse des arrêts maladie, baisse des accidents de travail, etc. Oui, baisse d'accident du travail, baisse d'arrêt de travail, maladie. Lié aux maladies, parce qu'il y a deux choses en fait. Un salarié, soit il peut se faire mal par un accident de travail. Oui. Donc voilà, il se fait mal, il a un problème de dos soudain. Du coup, ça va entraîner tout un système aussi pour l'entreprise de réparation par rapport au financement. Et puis, il y a aussi ce qu'on a appelé les TMS. Donc là, ça va être plutôt une exposition continue. Le salarié, il ne va pas forcément avoir mal de façon soudaine. Ça va être au bout de 5 ans, au bout de 10 ans d'exposition on va dire, des contraintes qu'on n'a pas forcément identifiées comme étant un risque. Mais voilà, ça va se déclencher sur l'exposition sur plusieurs années. Je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux, parce qu'on voit, je pense par exemple, il y a eu pendant une période avec notamment Orange, avec les plateformes de téléphonie, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on sent que de plus en plus, par la situation économique, par l'intérêt, je veux dire, de l'entreprise, on parle de performance de l'entreprise, il y a des répercussions sur les employés. employés, notamment il y a des tensions, notamment est-ce que justement sur le terrain, vous en tant qu'ergonome, vous ressentez, Madame Perny, de plus en plus de gens qui sont tendus, de plus en plus de gens qui sont dans la souffrance, parce que c'est une souffrance psychologique, comment ça se passe? Ce qu'on voit en fait, c'est que un problème de dos ou un problème d'épaule, ça peut pas être lié qu'à porter des cartons ou avoir des postures contraignantes. C'est un ensemble. Et on le sait dans la dynamique d'apparition des TMS, hein, donc tout ce qui est pathologie de l'appareil locomoteur, c'est toute une dynamique qui en facteur de risque. On va avoir les postures, on va avoir le poids manutentionné, mais on va avoir aussi comment on vit son travail. Le matin, comment, quand je vais au travail, quand je suis salarié, comment je me sens? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que je sais que je vais passer une bonne journée avec mes collègues? Est-ce que entre la pause, on va se raconter des histoires ou pas du tout? Ou ça va être très tendu, ça va être très carré, il y aura un cadre très fort et je pourrai pas sortir de mon ordinateur par exemple ou de mes appels téléphoniques. Et tout ça, ça vient s'ajouter en fait à des contraintes physiques et ça va faire émerger en fait des problèmes de santé. On peut pas dissocier. En fait, quand on fait une étude de poste, on peut pas forcément dissocier le physique et le psychologique parce qu'un individu, forcément, c'est un être global. Donc, du coup, forcément que les risques psychosociaux, ça fait partie de notre analyse. Mais ce qui est compliqué, c'est de pouvoir le mettre en avant. C'est ça qui est compliqué. Très compliqué, oui. Ouais. Et à évaluer peut-être aussi, à estimer, parce qu'il y a une certaine, je veux dire, subjectivité quelque part, non? Alors, c'est vrai que nous, on a des psychologues du travail hein, qui sont vraiment formés spécifiquement sur ce domaine de compétences-là. Donc, c'est eux qui vont gérer plutôt cet aspect risque psychosocial. Nous, en tant qu'ergonome, c'est vrai que ça va être un facteur en plus à prendre en compte. Et on va essayer de l'amener, en fait, petit à petit par notre étude, en essayant de montrer que les cadences aussi peuvent être difficiles, que l'organisation du travail, comment elle a été pensée, en amont, en aval, est-ce qu'il y a des temps de récupération, est-ce qu'il y a des temps d'échange aussi, parce que c'est important. Quelquefois, on voit les salariés, il faut qu'ils ont leur travail, mais ils savent pas forcément ce que font leurs collègues, donc ça a aussi un impact sur leur travail, puisqu'en fait, on travaille tous de façon... fluide. Oui, c'est segmenté en fait et il n'y a pas une vision transversale. Voilà. Et des temps d'échange, quelquefois, ça peut mettre des choses qui étaient sous-jacentes en lumière et se dire, bah oui, en fait, on n'a pas pu parler de ça parce qu'on n'avait pas forcément le temps d'en parler. Donc, quelquefois, l'employeur va mettre en place des petites réunions d'équipe et ça va suffire, entre guillemets, à se dire, bah oui, en fait, les salariés avaient besoin d'échanges pour savoir... Eh oui. Pour donner du sens, voilà. Mais justement, moi, personnellement, ce que j'ai pu remarquer, dans les entreprises, bien souvent, quelles que soient les problématiques, et notamment dans la santé, il y a un manque d'échange et un manque de communication. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain, en tant qu'ergonome et médecin? Alors ça peut, oui, ça peut être ce... Bien souvent, ce facteur de risque-là, hein, parce que les risques psychosociaux, c'est vrai qu'il y a tout un tas de facteurs, dont le facteur communication, entre guillemets. Manque de communication. Manque de communication, oui. Ça, on peut le voir aussi. Ouais. Alors on voit par exemple actuellement dans les EHPAD, bon c'est sous tension, je veux dire les EHPAD en général, bien souvent la personne qui est dedans, elle n'ose pas en parler justement de ce risque-là. Je pense que vous pouvez le rencontrer, vous docteur. C'est-à-dire que l'employé, il est là, il dit, bah oui, mais moi je risque ma place, je risque de me faire virer. Façon de dire, l'emploi est là, donc on n'ose pas trop en parler. Est-ce que vous ressentez cela? C'est ça. Je prends, excusez-moi, l'EHPAD qui est un exemple, mais pour d'autres postes aussi. Oui, non, mais c'est vrai que bien sûr qu'on l'entend, si je reprends dans les facteurs psychosociaux, c'est dans ceux-là, c'est ce qu'on appelle nous l'insécurité, travailler en insécurité au travail, ça ne veut pas dire qu'on va se faire agresser, pour nous ça veut dire travailler avec la peur de perdre son emploi. C'est ça. Bon, ben ça, c'est un des facteurs identifiés de risque psychosocial. Mais un parmi d'autres, et pour ceux qui jouent un rôle dans l'apparition des TMS, on sait que c'est la charge de travail excessive, le manque d'autonomie, le manque d'alternance, le manque de soutien social, et ça, ça revient avec la communication. C'est-à-dire, si on est soutenu par ses collègues ou ça par sa hiérarchie quand on monte une difficulté, ben, la vie est beaucoup mieux. Et ça peut être prégnant, effectivement. Se dire, ben oui, je l'ai déjà dit 10 fois, mais de toute façon... ça ne sert à rien, rien ne change, et puis il y a un déni en haut. Ça, c'est un facteur de risque psychosocial. Important. C'est des choses sur lesquelles on peut jouer, mais c'est pas un seul qui fait tout, c'est la somme des facteurs sur lesquels on peut jouer qui crée la difficulté, mais c'est aussi ça qui en fait la possible action. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule solution, on a plein de façons de solutionner les choses. C'est-à-dire qu'on peut entrer par l'ergonomie, comme l'a dit Aline, et au cours de l'activité ergonomique, de l'analyse d'activité, on va pointer, on va sensibiliser l'employeur et les salariés eux-mêmes, des fois, qui n'en sont pas conscients, qu'il y a une partie, oui, bien sûr, l'écran, il n'est pas bien installé. C'est souvent sur du travail tertiaire, c'est ça. Hein. Ouais. On est très mobilisé sur du travail sur écran. Ouais. Mais quand on étudie le poste, une fois qu'on a réglé le siège, réglé l'écran, c'est tout ce qui va se dire autour du travail. C'est-à-dire, mais moi, on me fait faire ça, je ne sais même pas à quoi ça sert. Finalement, on me dit toujours le matin ce que je dois faire. C'est toujours en urgence. Pourquoi on ne me le dit pas au début de la semaine? Et puis, on me laisse l'organisation nécessaire pour que mon travail, je l'organise moi-même dans la semaine. Bon, ben ça, c'est capital. Ça fait partie du champ des risques psychosociaux. Liaison dangereuse. Mais c'est des choses qui peuvent arriver par l'ergonomie ou au contraire, par exemple, nous, on écrit des rapports annuels d'entreprise hein, pour les entreprises, soit qui nous le demandent, soit qui ont plus de 50 salariés. On fait, si vous voulez, la synthèse des éléments recueillis lors de l'entretien individuel. Et ça, c'est l'intérêt de passer de l'individuel au collectif pour en faire une synthèse qui soit qui soit anonyme d'ailleurs, mais qui ait un peu de sens. Donc on n'arrive pas toujours à le faire, mais quand on y arrive, l'idée c'est quand même de pointer des choses qu'on aurait relevées plusieurs fois en termes d'organisation. Alors parce que l'organisation et les risques psychosociaux, c'est assez lié. L'organisation, ça peut être ça, hein, les manques de temps, le manque de pause, ou des pauses qui existent, hein, mais qui ne sont jamais prises. Il y a quand même toujours un écart entre le travail prescrit puis le travail réel. Hein. C'est quand même pas toujours la même chose. Pas toujours en négatif d'ailleurs, mais enfin en tout cas, il faut s'y intéresser. Le manque de pause, le manque d'entraide qui n'est pas organisé, c'est-à-dire que ça tient au collègue qui veut bien, mais on peut en parler. Si on le met en débat, on peut trouver des solutions, même à moyen constant. La dépendance avec un rythme ou d'un client, on sait que quand l'action de travail dépend de quelqu'un qui est en attente, mais c'est, je sais pas, le client qui est là physiquement, le client qui est au téléphone, je veux dire, ils ont une contrainte de temps sur laquelle le salarié peut pas jouer, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une réponse tout de suite, une réponse adaptée. Donc ça, c'est des éléments qu'on essaye de mettre en exergue. Et puis, pour porter l'intérêt de l'employeur à s'y intéresser, voire à nous solliciter, voire à réaliser une intervention, par exemple, avec soit les psychologues du travail, puisqu'ils sont dans notre service, surtout sur un champ collectif, pour travailler dans l'évaluation des risques psychosociaux, pour mener des actions, pour modifier ces facteurs-là, soit par le biais de l'ergonomie, si la culture d'entreprise permet pas vraiment de parler directement du risque psychosocial. Ça peut être, ça dépend un peu où en est l'entreprise, quelles sont ses connaissances, parce que souvent la porte d'entrée psychosociale, elle est vécue comme accusatoire. Oui. Alors oui, parce que l'employeur est perçu comme un persécuteur quelque part derrière. Avec et alors charge à nous de remettre ça en contexte, de dire nous. Vous êtes un peu le médiateur, si je veux dire. Ça peut arriver. Alors on arrive à la fin de l'émission, mais j'aurais voulu qu'on parle un petit peu justement des formations de PRAB, les préventions des risques liés à l'activité physique. Alors peut-être Elodie, Aline, pour en parler. Alors nous, on ne propose pas du tout ce type de prestation. Oui. Hein. Nous, ça va être plutôt le conseil. Hein, c'est le conseil, c'est ça. C'est le conseil. Justement, la formation PRAP, on peut peut-être en parler. Quel est l'intérêt de la formation PRAP? Ça vous dit non? Donc c'est les préventions du risque liées à l'activité physique, c'est-à-dire en amont et professionnel. De ma petite casquette de médecin du travail, si j'ai des formateurs PRAP dans une structure, pour moi, ça a un double intérêt. C'est d'abord que l'employeur, il a formé un salarié ressource. Ça veut dire qu'il est déjà dans le champ de la prévention, qu'il a déjà conscience d'une partie des risques. Donc pour moi, c'est très intéressant. Après, c'est aussi que ça va démultiplier l'action. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas mettre un ergonome derrière chaque salarié. On n'a pas les moyens et puis ça n'a pas de sens. Quand on intervient quelque part et qu'on a cette mission d'analyse et de conseil, on espère que derrière, eh ben, il y aura des personnes ressources pour appliquer les principes qui ont été conseillés, édictés. Et du coup, avoir une continuité dans le temps, une pérennité dans le temps. Pérennité, oui. Et puis aussi une sorte de veille. C'est-à-dire que normalement, le formateur PRAP, il va être capable, d'après ce que je crois comprendre hein, du contenu, de pointer, d'analyser certains postes de travail et d'être une ressource en interne. Quitte à ce que lui nous sollicite après sur des choses qu'il n'arrive pas à régler. Plus particulières. Voilà. C'est un maillon de la chaîne de la prévention, en fait. C'est ça. Ça pourrait être. Qui agit en amont, justement, de prévenir contre les risques professionnels, d'apporter des solutions, à savoir aussi qu'il y a des financements, il y a les CARSAT qui sont là, il y a la caisse. Voilà, c'est plutôt maladie, d'ailleurs des organismes. Voilà. C'est plutôt la CARSAT qui forme. Nous, on n'est pas organisme formateur. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas. De la PRAP. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, je rappelle sur le site internet sur lequel on peut retrouver ces informations, c'est www.alsmt.org. Je vous en prie, Madame Jadot, vous pouvez le redire. www.alsmt.org. Eh bien, merci Madame Jadot, merci Docteur Dumas, merci Madame Pernet aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission Libre-Échange. D'ici là, prenez soin de votre santé. La preuve, on en parle dans cette émission, car elle prendra soin de vous. À bientôt. Libre-Échange, Sylvain Blondin.